La prison de granit s'ouvrira-t-elle ? Il essaya posément, tranquillement, domptant la tempête intérieure qui lui précipitait aveuglément contre ce rempart, de trouver le joint. Ordonnant à ses mains de ne pas trembler, il tenta de glisser la partie plate de l'outil entre les deux pierres, mais n'y réussit point. C'était le miracle de leur architecture que, sans ciment, ces pierres étaient si bien ajustées qu'il était souvent difficile d'en trouver la ligne de démarcation. Comment les remuait-on ? Comment les avait-on remuées ? Car enfin on les avait tirées de leur alvéole. Elles tournaient peut-être sur elles-mêmes. Mais où fallait-il toucher ou frapper ? Et pendant ce temps, Marie-Thérèse mourait dans sa prison de granit. Désespéré, il reprit la pioche qu'il dut disputer encore à Orellana, lequel l'étourdissait déjà de ses gémissements effrayants, et il lança, à tout hasard, sur la gauche de la pierre, un coup à toute volée. Il avait donné là toutes ses forces, il avait rassemblé toutes ses énergies, il avait donné un coup de titan. La pierre tourna un peu sur elle-même, à droite. Oui, elle dépassa le joint. Il poussa un cri de victoire et continua de frapper avec rage. L'alvéole semi-circulaire était ainsi faite que la pierre pouvait glisser et tourner sur la droite et sortir de son cadre sur la droite. Alors il commença d'appeler « Marie-Thérèse, Marie-Thérèse !» comme si déjà elle pouvait entendre. Et Orellana, qui tournait derrière lui, criait « Maria Christina, Maria Christina !» Raymond frappait, frappait, et le moment vint où la pierre fut suffisamment sortie sur la droite pour qu'il pût la prendre entre ses mains, entre ses ongles, qui inutilement s'y arrachèrent. Alors, avec le manche de sa pioche, il continua de pousser à gauche, et le côté droit vint tout entier. Cette fois, il put prendre la pierre, et Orellana se joignit à lui, et ils attirèrent à eux la pierre. À eux, à eux. Elle venait à eux. Marie-Thérèse, Marie-Thérèse. Il délivrait Marie-Thérèse. Ah, elle était sauvée. Un suprême effort, un prodigieux « en », et la pierre bascula tout à fait, tomba avec fracas sur le parvis du temple. Marie-Thérèse. La figure entourée de bandelettes apparaît au fond de son trou noir. Ce n'est pas Marie-Thérèse. Raymond pousse un cri de rage inexprimable. C'est le visage mort d'une reine morte. C'est la momie d'une ancienne Kwaya qu'il a devant lui. Il s'est trompé. Secoué d'un tremblement affreux, il se retourne vers Orellana, les mains prêtes à étrangler le misérable fou qui s'était attaqué avec sa pioche à une autre tombe. Et lui, le plus insensé, Raymond, avait continué l'ouvrage du fou, s'était laissé diriger à cette minute suprême où dépendait la vie de Marie-Thérèse par un fou.